Section 35 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 3e. Section 35. L'Habitude, par Sully Prudhomme de l'Académie française. L'Habitude est une étrangère qui supplante en nous la raison. C'est une ancienne ménagère qui s'installe dans la maison. Elle est discrète, humble, fidèle, familière avec tous les coins. On ne s'occupe jamais d'elle, car elle a d'invisibles soins. Elle conduit les pieds de l'homme, sait le chemin qu'il eût choisi, connaît son but sans qu'il le nomme, et lui dit tout bas: par ici. Travaillant toujours en silence, d'un geste sûr, toujours pareil, elle a l'œil de la vigilance, les lèvres douces du sommeil. Mais imprudent qui s'abandonne à son joug une fois porté, cette vieille au pas monotone endort la jeune liberté. Et tous ceux que sa force obscure a gagnés insensiblement sont des hommes par la figure, des choses par le mouvement. Fin de la section 35.